longue flamme que je crame, mon frère, présente-moi une belle femme que je représente vite. Librement recherche du réconfort, fracas, tête pleine de tracas. Si le blé rentre pas, c'est la cata. J'ai pas atteint le quota, THC nécessaire pour me relaxer. Texte terre à terre, angoissé, lassé de ne pouvoir éponger les dettes de ma mère. Ne rien offrir d'assez bien pour sa fête, son anniversaire. Je dirais que le rap c'est ma vie. Pas de quoi combler mes envies, dur à gérer. J'irai jusqu'au bout, quitte à générer des conflits. Je confie ma vision du monde au micro FF. Nique le show pour les absents, pour les restes.